Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Bolduc. Ce soir, adoucir la transition. La transition de quoi? La transition du changement. On vit tous des changements et par la plupart du temps, on les vit difficilement. C'est ce qui nous fait une vie pénible. Particulièrement dans les couples, où il y en a un qui va pas nécessairement au même rythme que l'autre. Alors, il y a une espèce de distorsion qui se fait. Et puis, on ne sait pas trop quoi faire avec ces phénomènes qui se produisent à partir de ce moment-là. Si l'on s'attend à ce que le Québec soit plus imprimé de cette transition, il y a sûrement des raisons. Des raisons que vous connaissez peut-être en partie. Est-ce qu'on doit faire les choses de la transition dans la douceur, comme le sujet le propose, par adoucir la transition, ou bien s'il faut absolument avoir mal, mal à n'en plus finir, de transiter vers un lieu qui est plus harmonieux. Invitons Daniel Kemp à venir nous raconter, ou du moins nous dire ce qu'il a à dire sur cette fameuse transition qui fait souffrir tant de gens. Non, non, je cherche pas mon microphone. Adoucir une transition. Faut faire nécessairement référence à une transition à quoi? À tout, finalement. Le Oui, corps, l'âme, l'esprit, etc. Le lieu de vie. même plus qu'etc. Toute forme de changement est une transition. Et on a souvent expliqué que l'homme souffrait du fait qu'il refusait le neuf. L'âme souffre du fait qu'il est mémoriel et dans sa mémoire, il cristallise les choses et cristallisant les choses, il compare ces choses cristallisées, mémorisées, aux choses neuves qu'il rencontre. Et c'est ce qui engendre chez lui un phénomène intéressant où dans sa tête, il y a ce qui aurait dû être, ce qui devrait être, ce qui aurait pu être, ce qui serait préférable qu'il soit, alors que dans la réalité, il y a ce qui est. Et la souffrance est d'ailleurs une forme d'expression du refus de la transformation. Et lorsque l'être humain est en transition, c'est-à-dire que lorsque l'être humain change, qu'il le veuille ou non, et bien souvent l'être humain change, mais il ne le veut pas. Lorsqu'un être humain dit qu'il accepte le changement, il est trop orgueilleux pour dire qu'il accepte le changement, alors il va dire, j'ai décidé de changer. Mais un être humain ne peut pas décider de changer. Ça fait 20 ans que tu veux changer une chose et un jour tu la changes. Et tu te dis, bon, maintenant j'ai eu suffisamment de volonté pour la changer. Non, maintenant c'était le temps de la changer. Et les 20 dernières années où tu as travaillé pour rien, ce n'était pas le temps de la changer, mais vu que tu as appris que tu avais un libre arbitre et que tu devais te forcer, parce que tu étais dépendant de l'instruction collective d'autrui, où on te disait que tu devrais faire ceci, faire cela, que tu n'avais pas de volonté. Et puis tu as passé 20 ans à essayer de changer une chose qui n'était pas changeable pour l'instant. Et puis finalement, lorsqu'elle change, eh bien, tu transites. Et en transitant, eh bien, l'humain peut souffrir parce que si la chose qu'il change, ça ne fait pas partie de ses concepts d'évolution, ben nécessairement, il va la refuser. Il va souffrir. C'est comme celui qui ne souffre plus de voir la mort. Ça ne fait pas partie des concepts de l'évolution de l'homme. L'homme pense que c'est normal de souffrir lorsque l'on voit quelqu'un que l'on aime mourir. Mais lorsqu'il se rend compte soudainement qu'il n'a pas de peine, qu'il aime toujours la personne, qu'il comprend la mort, mais qu'il ne voit pas la souffrance dans cette mort, c'est une transition. Mais vu que ça ne fait pas partie de ses concepts sécuritaires ou les concepts collectifs de l'évolution, alors il souffrira de la transition. Le gros problème de l'être humain, c'est qu'il refuse donc obstinément tout ce qui est neuf. Ouf, il accepte toujours une petite dose de neuf. Minuscule, minuscule, minuscule pour lui conserver l'idée qu'il est vivant. Mais l'humain n'accepte pas le changement radical. Si changement radical, il doit y avoir. Autrement dit, un homme doit toujours conserver dans sa tête que tout ce qu'il est, que tout ce qu'il croit, que tout ce dont il a la foi peut être remis en question n'importe quand. Cela veut dire que l'être humain doit savoir qu'il croit en Dieu, mais qu'il doit, dans cette croyance, conserver une place pour découvrir que Dieu n'existe pas. Au cas. Parce que la journée que l'être humain découvre que ce dans quoi il place sa foi n'est pas vrai, nécessairement, il souffrira. Il souffrira à un point tel qu'il refusera d'arracher cette vieille peau, la croyance, pour laisser la peau neuve sortir, la consistance d'une réalité. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis simplement que tout ce que l'homme croit, eh bien l'homme devrait savoir que cette croyance peut être mise en question. Toute théorie est vraie, jusqu'au jour où elle est fausse. Et si on découvre qu'une théorie est fausse, la théorie n'était pas fausse. Elle était vraie, elle est maintenant fausse. Et ça doit rentrer dans la tête de l'homme s'il veut finir par adoucir cette transition, parce que l'être humain se culpabilise de ne pas avoir été dans le bon chemin depuis qu'il chemine. Ça fait 20 ans que tu te trompes, lorsque tu découvres que tu te trompes, tu te maudis pour 20 ans. Mais c'est stupide. Comment veux-tu arriver à une transition douce et saine si, après 20 ans, découvrant que tu as fait fausse route, c'est ce que l'être humain découvre? L'être humain devrait découvrir que s'il persévère, il va faire fausse route. Mais il n'a pas fait fausse route. C'est parce qu'il s'est jugé à ce moment-là. Il se juge, mais il se juge à partir des concepts de la perfection qu'il a, et il se juge aussi à partir des concepts de la perfection que la collectivité lui impose. Je donne un exemple. Tu peux rouler sur une autoroute, mais si tu es sur un petit chemin de campagne de terre, tu ne peux pas traverser l'accotement, le fossé et aller sur l'autoroute. Alors tu roules sur le chemin de terre et tu penses que ce chemin mène là où tu veux aller. Et il y mène. Mais il y a l'autoroute qui est drôlement plus rapide, qui est mieux construite pour plus de vitesse et qui brasse moins la carcasse. Alors tu roules sur ton chemin de terre, puis à un moment donné, il y a une jonction et c'est écrit votre but à droite et après à gauche. Alors tu dis, crime, j'ai toujours pensé que mon but c'était par là-bas. Fait que là, j'ai une pancarte, tu tournes à droite, puis là, à droite, tu vois une autre pancarte, votre but à gauche, autoroute. Alors tu arrives sur l'autoroute, puis là, qu'est-ce que tu découvres? Et merde, ça veut dire que ça fait 20 ans que je roule sur un maudit chemin de terre qui avance pas vite. Tu pouvais pas faire autrement. Si tu restes dessus, tu te trompes à partir de maintenant que tu as le choix. Mais tu ne peux pas dire que pendant 20 ans, tu t'es trompé. Alors, je me suis fait manipuler par tel genre de culte, tel genre de religion pendant 20 ans ou 30 ans, et puis maintenant que je découvre que c'est de la manipulation, je hais le monde. Ben, c'est intéressant. Ça occupe, ça passe le temps, mais c'est stupide. Ça ne sert à rien. Ça ne sert. Cosmiquement, ça ne sert à rien. Comiquement, oui. Mais il y a énormément d'humains qui perdent leur temps à maudire ou à regretter des choses qui n'existent plus. Alors, l'être humain refuse le neuf. Refusant le neuf, nécessairement, il veut vivre avec le vieux, et le vieux n'est pas de ce monde. Le vieux, c'est du monde de la mort, c'est pas du monde de la vie. La mémoire fait partie du monde de la mort, elle ne fait pas partie du monde de la vie. Par contre, l'instantané fait partie du monde de la vie, et non pas du monde de la mort. L'être humain provient du monde de la mort, c'est-à-dire que l'être humain provient de l'accumulation mémorielle en forme. Ça crée des corps physiques, ça crée des corps vitaux, ça crée des concepts, ça crée des corps âmiques, des corps astrales, ça crée des corps égoïques, des égos. Ça crée des idées, ça crée des pensées, ça crée des formes pensées, ça crée des choses comme ça. Mais tout cela provient de la mémoire. Tu ne peux pas penser des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as pas dans la mémoire. Et cette mémoire, elle va te permettre, donc ce monde de la mort, le passé qui n'est pas vivant, te permet d'avoir l'idée d'une substance de vivant. Peut-on prendre de la mémoire, peut-on prendre des choses qui peuvent devenir vivantes? Non. Le fait d'épuiser dans la mémoire, c'est instantané. Mais ce que l'on puise est la réplique d'une chose qui n'est plus. La photo, elle est présente. Mais ce qu'elle représente n'est pas présent. La mémoire, elle est présente. Mais ce qu'elle représente n'est pas présent. Ce n'est pas de la vraie substance. Lorsque l'humain se dit, oui, mais telle chose, c'est dangereux. Il vibre du passé. La chose n'est pas dangereuse. C'est comme lorsque tu dis, oui, mais un chien, ça peut mordre. C'est faux. Ça veut dire un chien, ça peut mordre. Oui, mais ça vient de tes mémoires, parce que le chien ne mord pas. Et si tu vivrais de l'intelligence instantanée, donc de l'instantanéité, tu ne pourrais pas penser un chien, ça peut mordre, quand un chien, ça ne mord pas. Et tu vas dire, oui, mais c'est con, si le chien me mord, ben tiens, ça mord. Oui, sauf que si le chien ouvre la gueule pour te mordre, tu ne seras pas là pour te laisser mordre. Tu n'as pas besoin d'avoir peur 2 secondes avant, ou 2 heures avant, ou 2 jours avant. C'est comme ceux qui ont peur des ascenseurs. Et tu n'as qu'à leur les inviter à venir chez toi. Il y a un ascenseur, ils vont avoir peur. Pourtant, ils sont pas dans l'ascenseur. Ils sont pas en face de l'ascenseur. Ils sont loin de l'ascenseur. Mais ils ont peur de l'ascenseur. Pourquoi? Parce qu'ils fouillent dans leur passé, dans le monde de la mort. Et le neuf, ils ne pourront pas réussir à vivre dans le neuf à partir du monde de la mort, à partir du passé, de la mémoire. Adoucir la transition, ça devient un peu... Ça devient compliqué. En même temps, c'est facile. Comme tout d'ailleurs ce qui regarde l'évolution. Paradoxal. Ça dépend de l'humain, ça dépend du point de vue, c'est relatif. La transition, c'est tout ce qui oblige l'humain à changer de peau, à changer de carcasse. La transition, c'est tout ce qui oblige l'humain à faire un pas en avant. Mais l'humain veut faire un pas en avant avec toute l'asphalte sur laquelle il a marché. C'est la mémoire. L'enfant avance vite. L'enfant veut découvrir des choses. L'enfant découvre le neuf. Tu lui amènes un jeu neuf emballé. Tu l'invites quelque part où il n'a pas été. Il est fou comme la marde. Il veut y aller. Il est gêné un peu dans le début, mais c'est pas long qu'il devient... Oui, bon... Et plus il vieillit, plus ça s'agit. C'est-à-dire que, parce que la sagesse pour l'homme ancien, la sagesse pour l'humanité présentement, c'est la stagnation perpétuelle. Lorsque tu as suffisamment de mémoire du monde à l'intérieur de toi, tu as l'impression que tu peux régler tous les problèmes neufs. C'est ça le sage. Mais quand un problème neuf arrive, le sage se rend compte qu'il est humble et il devra être humble. Il va se rendre compte qu'il n'est plus sage devant ça. Il est sage devant les problèmes traditionnels. Et pas devant les problèmes neufs. Il connaît pas plus qu'un autre. Alors l'enfant accumulant cette mémoire finit par se ralentir. Il va vieillir et vers l'âge de dépendant des enfants, vers l'âge de 30, 40, 50, 60 ans, il finira par refuser de plus en plus le neuf. Et il appellera ça s'agir. Je me stabilise, je suis maintenant plus stable, je change moins d'emploi, je déménage moins souvent, je garde mon vieux linge. Je me stabilise. Tu meurs. C'est une stabilisation, n'est-ce pas, la mort. Les pharaons étaient très stables. Une fois momifiés. Très, très stables. Mais ils ne vivaient pas. Ils avaient l'apparence de vie. Alors, lorsque tu roules en automobile, tu roules, ça marche, tu vas à 150 km à l'heure. Et puis, essaie de t'imaginer que tu as une grosse gratte en arrière qui ramasse le chemin. Tu mets ça dans la valise. Alors, tu mets 200 livres, 150, 140 km à l'heure, tu rajoutes 300 livres de chemin, 130 km à l'heure, tu rajoutes une tonne de chemin, 25 km à l'heure, puis quand tu as suffisamment de chemin sur toi, 0 km à l'heure, t'es enterré sous toute ta mémoire, puis t'es mort. Telle est la vie de l'homme pour l'instant. Et demain, quand je dis telle est la vie de l'homme, je ne demande pas la vie de l'homme. C'est pas la vie de l'homme, mais c'est la vie de l'homme. Bon. Donc, pour adoucir la transition, faut comprendre que l'être humain n'a pas le choix d'évoluer. Et dans cette impossibilité de cesser l'évolution, d'arrêter de penser, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se faire réfléchir, parce que bien souvent, l'être humain qui évolue ne se pose pas trop de questions. Les questions apparaissent seules chez lui. C'est ça qui est traumatisant pour l'humain. Parce qu'il ne pense à rien, il joue au tennis, ça va bien. Et soudainement, il voit la balle venir et il y a une question qui apparaît et qui lui dit, tu sais, la balle, c'est comme la Terre. Imagine-toi si quelqu'un jouera avec. Et puis là, il dit, hey, c'est-tu fou, ça? Puis là, il voit la face d'un gars à la télévision, puis qu'il dit, il y a des extraterrestres qui se battent pour la Terre. Puis quand tu veux jouer au tennis. Puis là, c'est pas long que là, ils se battent pour la Terre. Là, ping, paf, paf. Fait que là, il manque la balle. Puis là, il va arrêter, là, il va vouloir s'asseoir, jaser avec son ami. Puis là, ils vont jaser ensemble d'évolution. Mais ils n'ont pas décidé de jaser d'évolution. On les a forcés à jaser d'évolution. Tu regardes des handicapés, t'en vois tout le temps. Puis à un moment donné, paf, pourquoi ils sont handicapés? Et voilà, c'est une question qui t'est apparue. Tu ne l'as pas posé, on te l'a fait poser. Et maintenant, essaye de t'en débarrasser. Pas capable. Question fondamentale, pourquoi moi, pourquoi pas lui? C'est pas, t'es pas assez con pour poser une question comme ça. Alors, on te l'a fait poser. L'être humain est manipulé, l'être humain pense qu'il pense, je le dis souvent. Il suffit simplement de vouloir cesser de penser, on se couche, et puis on veut cesser de penser pour dormir instantanément, et puis ça pense dans nos têtes. Bon. Alors, l'être humain n'a pas le contrôle. Alors, l'être humain, donc, se voit des questions paraître chez lui, ce qui lui botte derrière pour commencer à évoluer. Tu vas à l'église tout le temps, c'est parfait, c'est le bonheur, c'est génial, tu vas là avec ton mari ou avec ta femme, t'amènes tes enfants, pour avoir l'idée que les enfants doivent bien éduquer, il faut qu'ils suivent, bon, c'est parfait. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui va pas. Où tu te dis, mais sainte, merde, c'est une sainte. Sainte merde! Est-ce que c'est réellement nécessaire de toujours mettre des cendres dans une petite boîte de métal pour allumer des chandelles, faire plaisir à Dieu? Tu vas voir le curé, tu poses la question, puis tu réponds, les voix de Dieu sont impénétrables. Et là, ça ne va plus. Tu te retournes vers ta femme ou vers ton mari, puis celui-ci te dit, ben oui, non, non, c'est qui te prend, là? Et là commence la grosse problématique de la transition. Il y en a un qui vient de mettre les pieds sur la pédale, tandis que l'autre continue à peser sur le break. Ou si tu préfères, ils se rendent compte maintenant, vous avez déjà vu ce genre de film, où l'auto se divise en deux? Alors imagine un volant à droite, un volant à gauche, bonhomme il chauffe là, la bonne femme chauffe l'autre bord, puis tant qu'ils vont sur la même route, c'est parfait. Il y en a un qui dort pendant que l'autre conduit, au pilote, puis tu sais, bon. Puis à un moment donné, il y en a un qui dit, crime, c'est beau là-bas. Puis l'autre dit, hey, il y a tradition, par là-bas. À un moment donné, le char commence à avoir des problèmes. Problème de couple. D'accouplement. Ben, on parle de transmission, ça, l'accouplement. C'est ça, puis la mécanique, bon. Et puis, lentement, ben, les problèmes de mécanique s'accentuent. C'est pour ceux qui trippent sur le différentiel, je l'ai déjà dit. C'est pas... Alors, lentement, ça tire d'un bord, l'essieu doit se briser. Ah oui, c'est ça, c'est pas... Le royaume des cieux est pour eux. Alors lentement, ça tire, ça casse. Et puis là, il y a la chicane, il y a la guerre, il y a tout ce que tu voudras. Il y en a un des deux qui va tout faire pour récupérer l'autre à son chemin. Deux êtres humains viennent ensemble, ils s'attachent ensemble, ils doivent rester libres de repartir ensemble. Ce que la mémoire, ce que la mort, ce que la tradition refuse. Un oiseau, ça a deux ailes, ça vole. Un oiseau, ça a deux ailes, ça vole. Deux oiseaux attachés ensemble, ça a quatre ailes, mais ça vole plus. Mais si ça ne vole plus, ça évolue apparemment moins vite. Ça génère la souffrance. On a vu la semaine dernière l'intelligence de la souffrance qui protège l'humain contre les agressions extérieures. Mais, en attendant, est-ce que c'est nécessaire que chaque être humain en voie de conscientisation ou de transition soit toujours ramassé par une enclume? Souffre. Alors la question, elle sous-tendrait une réponse orgueilleuse, une réponse égoïque comme non. Mais en réalité, oui, c'est essentiel qu'il y ait dans le couple un des deux qui traîne de la patte. C'est génial et essentiel. Pourquoi ce serait pas essentiel de considérer que c'est celle qui traîne pas la patte qui devrait... Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Bon, pourquoi l'un plutôt que l'autre? Parce qu'il y en faut un des deux. C'est la réponse. Ben oui. Tu plantes deux grains côte à côte. Il y en a un qui a poussé plus vite que l'autre. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Ben, si c'est l'autre, ça veut dire pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Ben, si c'est l'autre, pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Il en faut un des deux. Lequel tu voudras, je m'en fous, mais choisis. Et si tu laisses ça au choix de l'humain, ben, il choisira jamais. Fait qu'on ne lui pose pas la question, on en fait possible. Si tu as deux enfants, il y en aura un qui sera ceci, l'autre n'aura non. Pourquoi lui, pourquoi pas l'autre? Je dis, l'humain est trop brillant pour poser des questions comme ça. Il faut une espèce de manipulation tout à fait conne qui l'oblige à passer comme ça. Pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Bon. L'être humain va être normal. Le moment normal qui devient marginal, soit en bien, soit en mal, pourquoi lui, pourquoi pas les autres? C'est là où vient cette question, justement, dans le couple. Comme, pourquoi moi? Pourquoi moi je suis pogné avec toi? Et oh. Vice versa. On a toujours, n'est-ce pas, quelque chose à aller chercher lorsqu'il en reste avec quelqu'un. Qu'on le veuille ou non. On a besoin de l'autre. Et on a des besoins psychologiques, des besoins émotifs, des besoins où, à la longue, après quelques années ou quelques mois ou quelques dizaines d'années, la présence de l'autre est tellement perçue par nous qu'elle finit par nous appartenir, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrale de notre mémoire, donc de notre ego. Et si l'autre s'en va, ben ce qui nourrit cette partie mémorielle ne pourra plus être nourri, et elle va se sentir mourir. Alors nécessairement, on a besoin de l'autre. C'est pour ça qu'on souffre tant que lorsqu'une personne meurt. Enfin, quand je dis qu'on souffre tant, j'ai l'intention que l'homme souffre tant. Lorsqu'une personne meurt, l'homme ancien, l'homme transitif. Alors, dans le couple, il y a normalement deux personnes. Et ces deux personnes cheminaient ensemble jusqu'au jour où les événements écologiques de leur écosystème les ont placés l'un en face de l'autre. Ça s'entend si l'un derrière l'autre, mais enfin, l'un proche de l'autre. Et ils vont jaser, ils vont découvrir des points communs. C'est intéressant, les points communs. Les points communs ne prouvent pas que les deux humains évoluent dans le même sens. Les points communs prouvent qu'ils sont présentement sur un point commun. sais que si tu évolues comme ça, et que tu évolues comme ça, ben il y a des fortes chances qu'un jour il y ait un point commun. Mais 6 mois après, le point commun, il faudra qu'il se passe quelque chose. Alors, normalement, quand on rencontre un point commun, on se dit, on va faire des concessions. Ça veut dire que tu vas par là, je vais par là, mais là, on va aller comme ça. Alors, on va mourir un peu chacun de notre bord, puis pour permettre à l'autre de vivre un peu, en tout cas, bon, le manchu. Très intéressant, et qui a permis bien des choses. Lorsque ceci marche, ça fonctionne quelque temps. Avant, ça fonctionnait à vie. Sauf que l'humain mourait vers 40 ans. Aujourd'hui que l'humain vit jusqu'à 80 années, ben là, il y a un petit 20, 30 ans où cela, ça tire. Lorsque ça tire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un des deux qui décide de reprendre son chemin. Seul, librement. Étant donné qu'ils sont régis par un amour psychologique, un amour humain, c'est-à-dire un amour inhumain, mais humain. Un amour où, lorsque tu aimes, tu ne peux pas respecter l'autre. Ou lorsque tu aimes, tu possèdes l'autre. Mon mari, ma femme, mes enfants, mon chum, ma blonde, tu dois posséder l'autre. Tu possèdes tellement que si l'autre, tu vas être jaloux. Oui, mais c'est ma femme, elle ne peut pas sortir avec d'autres. Effectivement, je la respecte, mais qu'elle reste dans la maison. Oui, c'est mon fils, ça, je le respecte. Mais tant qu'il va se mettre les cheveux bleus, il ne rentrera pas ici. Respecte-les. Continue à respecter. C'est comme ça qu'on respecte les choses. Quand on les aime, humainement, pas intelligemment. Alors, lorsque cela arrive, étant donné que l'être humain ne peut pas se respecter vu qu'il s'aime, par de l'âme ancien et souvent de la personne transitive, ben lorsque l'un des deux est repoussé par la vie vers un cheminement maintenant propre à lui, un cheminement où cela ne demande plus nécessairement l'aide évolutive de l'autre, apparemment, il y en a un des deux qui va se poser des questions. Et le premier qui s'en pose une, interdit quasiment à l'autre de s'en poser. Pas volontairement. Mais il se doit, et ça l'évolution est bâtie comme cela, c'est qu'il y a ce que l'ésotérisme, ce que la théologie appelle des forces d'évolution et des forces d'involution. Il y a l'initiation lunaire, il y a l'initiation solaire. Il y a les forces sataniques qui obligent l'humain à rester planté sur le plan planétaire. Et il y a les forces luciferiennes qui font tout pour que l'humain évolue au plus maudit. Et lorsque ces deux forces se mélangent dans un humain, l'humain est suffisamment terrestrifié, tout en étant suffisamment célestrisé. C'est-à-dire que l'humain a une conscience d'évolution, la conscience luciférienne, mais en même temps, il travaille, il fait ses choses sur au sol, disons qu'il n'a pas la tête, il n'a pas tout le corps dans les nuages, il reste les deux pieds sur le sol. C'est un équilibre harmonieux entre force d'évolution et force d'évolution. Lucifer était un porteur de lumière, et lorsqu'il s'est mélangé à l'humanité, c'était parce qu'il voulait que l'humanité reparte au plus sacré vers où elle était venue. Alors que le rôle de l'humanité n'était pas de repartir. Et c'est pourquoi Lucifer, en voulant faire un peu vite, mais c'était permis, a créé la condition humaine que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est quand même cette force luciférienne chez l'homme qui anime toutes les religions, qui anime tous les phénomènes d'évolution. Mais, lorsque l'être humain avance trop rapidement, il se désintègre, c'est-à-dire qu'il se désagrège, il devient fou, il devient folle. Il devient missionné. C'est-à-dire qu'on lui donne, un poste au niveau de l'astral pour l'occuper. Qui arrête d'évoluer trop rapidement. Et dans le couple, eh bien, c'est l'autre qui va servir de tremplin, de frein. Mais je comprends pas ce frein-là. Parce que si la personne est, qui la freine, pourquoi qu'elle ne pourrait pas, elle, tout simplement faire son cheminement? Regarde ce qui arrive. Un jour, j'ai rencontré un individu, très intéressant, qui me dit que toute sa vie, il s'est voué à guérir autrui. Alors moi, je lui dis, parfait, oui, c'est très intéressant. Il me demande si je suis malade. Je dis non. Or, il me dit, c'est une preuve. Je dois être malade. Et on a entamé un dialogue ensemble jusqu'au moment donné où il forçait, il voulait absolument que je réponde à des choses, que je lui explique qui j'étais, etc. Alors, lentement, on finit par, on en arrive à un point mort où il me dit que lui n'a peur de rien et que lui peut tout contrôler sa vie. Et ça devenait intéressant de pouvoir jouer avec lui. Alors, ce qui fait que je lui demande s'il peut contrôler sa vie, est-ce qu'il a le nez qu'il veut? Elle me dit, oh, pas ça, contrôler sa vie. Alors, est-ce que tu as le système digestif que tu veux? Oh oui, officiel. Est-ce que tu as peur de manger des choses toxiques? Ah, ben oui. Et si t'aurais un bon système digestif, t'en foutrais. Ah oui, mais Dieu nous a donné ce système digestif, c'est pour, bon, commence une dialectique assez intéressante, jusqu'à un moment donné où il me demande de lui prouver que guérir les autres, c'est une folie. Alors, après avoir discuté avec lui, nous pouvons facilement découvrir qu'il y a des maladies que lui va guérir, maladies qui empêchaient l'humain de sauter. Et là, je vais lui dire, à travers tout ce que tu as guéri, combien sont maintenant les problèmes sociaux? Ah, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas à cause qu'il a guéri. Il y en a un qui a commis un meurtre, il y en a un qui a fait un viol, il y en a un qui s'est divorcé, puis il y en a un autre, ça va bien. On parle de guérison assez intéressante. Le cancer. Et je ne peux pas vous donner son adresse, il est mort du cancer. Ce qui est d'ailleurs le phénomène du retour de tous ceux qui magnétisent et qui guérissent par ce phénomène sans savoir exactement ce qu'ils font. C'est vraiment ce karma de l'autre. C'est vraiment pas génial. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y avait quelques individus qui étaient freinés par leur maladie, donc qui ne pouvaient pas se permettre d'être manipulés par des forces d'évolution ou des forces sociales, les obligeant à créer des mémoires, de l'expérience, des phénomènes expérientiels, des événements, qui permettraient de nourrir un astral karmiquement noir d'une société. Alors, ils étaient malades. Et le pauvre bonhomme, il les a guéris. Alors, une fois guéris, ben, évidemment, ils se sentaient bien. Et puis là, le monde est devant eux maintenant. Tu sais, quand t'es malade longtemps, en train de mourir, puis que paf! Ben là, l'univers est pour toi. Et l'univers a été pour eux. Ils ont fait un paquet de conneries, puis maintenant, leur univers est réduit à des cellules. Et quoi, des hôpitaux? Lorsque l'être humain avance, je dis à une personne me demande une question qu'on ne doit jamais me poser, n'est-ce pas? Je suis suffisamment, disons, écologique pour ne pas répondre à la personne lorsqu'elle n'a pas besoin de répondre. Mais dans le séminaire que je donne, de temps en temps, on me pose des questions. Une question bien vache comme... Peux-tu me prouver que Dieu existe? Alors moi, je pose la question, veux-tu réellement le savoir? T'as rien qu'à poser ça pour que la personne commence à bafouiller. Mais je lui dis, si je te prouve que Dieu n'existe pas, ça va-tu te plaire autant? Oh, je ne rangerai pas. Alors je commence. On commence à dessiner sur un tableau, on commence à expliquer des petites choses, je regarde le visage du monde, puis lendemain, il y en a qui pâlissent. Oh, ils sont prêts, t'as pas de problème là. Et puis là, il pose des questions, ce monde-là. À un moment donné, il en pose plus de questions. Et là, j'arrête, là. J'ai à vous des questions. Non. Et moi, votre place, je n'aurais un maudit paquet. Et puis, je ne continue pas trop loin, parce que là, je vais vérifier les gens. Puis il y a des gens qui ont des maudits problèmes. Puis j'ai rien dit encore. Alors, tu essaies juste de t'imaginer qu'est-ce que ça peut donner qu'un être humain qui, à un moment donné, aurait une ouverture de conscience majeure, qui serait capable de poser des questions comme ça et d'avoir la réponse comme ça, alors que son ego n'est pas prêt du tout à abandonner le vieux chez lui. C'est comme si je te dis qu'il y a le plan planétaire, il y a les plans, disons, angéliques, le monde de la mort, il y a les plans archangéliques, les phénomènes, disons, périsprique de la planète Terre, presque mentale, qui permettent la gestion de l'évolution du monde de la mort, qui permet la gestion de l'évolution de l'homme, dans son contexte émotif. Il y a par-dessus, au niveau hiérarchique, il va y avoir certaines formes melchisédiennes, des melchisédek, qui vont s'occuper à catalyser l'évolution de temps en temps. Et il y a d'autres formes de hiérarchie qui peuvent s'éloigner lentement du plan planétaire. Et tout cela se chicane un petit peu, qui va être le boss de qui, c'est le plan de notre planète. À travers cela, lorsqu'il y a un cave, une hiérarchie céleste qui se fusionne avec un être humain ascendant, ça crée un grand maître de l'humanité qui sera tout à fait perdu pendant un laps de temps et qui devra attendre que la fonction de l'homme soit accomplie pour pouvoir s'en sortir. Et on peut savoir que le rôle de l'homme, c'est d'accumuler et de créer un corps physique suffisamment intéressant, énergétiquement solide, pour que du point source de la création, ce qu'un jour j'appellerai bien la supra-énergie, puisse entrer en contact avec l'humain de façon à ce que l'homme le rejoigne, de façon à ce que l'homme devienne le maître suprême de la hiérarchie de la création. Sauf que présentement, l'humain est archétypé, il y a la souffrance qui protège l'homme, on l'a vu la semaine dernière, et l'humain était instruit qu'il était une pauvre mauviette, un pauvre cave, créé comme ça par accident pour plaire à un dieu qui s'ennuyait. Bon. Alors l'humain vit des choses, et puis l'humain a un libre-arbitre. Tu peux faire cela ou cela. Si tu fais ça, je te tue. Choisis. Bon, libre-arbitre de l'homme. T'as l'enfer, t'as ce que tu voudras, peut-être si bon. C'est intéressant. Alors l'être humain est confiné à croire cela, mais tout ce qui recherche cette création dans l'univers est confiné à croire que sur la planète Terre, c'est de l'air. Bouh. De la merde. Alors qu'en réalité, c'est là que se passe le plus grand processus de la création. Mais, personne ne sait. Puis même quand je le dis, personne ne sait plus. Bon. Lorsque l'être humain, lorsque tu expliques certaines choses et qu'à un moment donné, l'humain qui pose des questions finit par découvrir que les problèmes qu'il vit sont explicables et qu'il peut en comprendre l'explication, mais que cette explication renie totalement ses croyances ou ses fois. Tu as le choix. Tu vas dire, oui, mais ça a de l'allure en maudit. Mais... Pourtant, dans la Bible, on dit, la Bible, ça faisait comme un modèle téléphonique. L'humain, à un moment donné, ne peut pas transiter agréablement pour la simple raison qu'il reste attrapé, sa valise est pleine de sphalte. C'est parce que finalement, il n'y a pas suffisamment de discernement pour savoir qu'il faut qu'il en laisse, il va continuer. C'est pas le discernement, il n'y a pas suffisamment d'instantanéité, il est construit de mémoire. Et s'il abandonne sa mémoire instantanément, il perd son corps aussi, parce que le corps conserve sa forme par la mémoire du corps. Lorsqu'il devra transiter vers l'instantanéité, il finira par plus avoir de mémoire, mais ça prendra un laps de temps. Alors, comment veux-tu qu'à un moment donné, l'humain puisse, avec tout son bagage mémoriel, arriver à confronter celui-ci à une réalité claire? Il faudrait le sentir. Lorsqu'il y a une chose intelligente, il n'y a pas d'intentionnalité. Alors, lorsque je dis, c'est intelligent que ça se passe comme ça, la question, oui, mais qui a décidé ça? Elle devient conne. C'est intelligent. Donc, il n'y a pas besoin de personne pour décider. Ni d'un homme, ni d'une hiérarchie, ni d'un dieu. C'est intelligent. Parce qu'une chose peut être intelligente pour une personne et pas l'être pour l'autre. Oui, et ça va arriver à elle, pas à l'autre. Ben, si elle se mêle évidemment à des plans de vie de l'autre, elle va chialer. Mais qu'est-ce que tu entends par plan de vie? Tout ce qui tourne autour de toi, y compris ton corps physique, tes lunettes, tes yeux, y compris les mémoires réincarnationnelles de ton âme, y compris tout cela. Ça, c'est ton plan de vie. Donc, ce qui tourne autour de toi, ce sera les murs du salon, ce sera les personnes ici, ce sera tout l'univers qui gravite autour de notre planète Terre, ce sera tous les univers qui gravitent autour d'une autre, ce sera les super-univers qui gravitent autour d'une autre, ce sera toute la création qui est en mouvement. Tout cela fait partie de ton plan de vie. Ton plan de vie, il est unique en ce sens que tu occupes dans cette création un espace et un temps qui t'est réservé. Et j'en occupe un autre. Je ne peux donc pas être à la même place que toi en même temps dans le même monde. Ton plan de vie, c'est ça. Et de cet endroit spatio-temporel, de ton temps et de ton espace, tu verras l'univers d'une façon que je ne pourrai pas le voir. Et tu seras sujet à être événementialisé, c'est-à-dire que tu rentreras dans des événements de cette création d'une façon que moi, je ne pourrai pas pénétrer. Si un automobile fonce sur nous deux et que finalement, elle passe là, eh bien, c'est ton plan de vie de la recevoir. Elle passe par-dessus toi. Et comme vous ne pouvez pas être tous les deux en même temps, au même moment pour l'instant, il y en aura un des deux qui devra disparaître. Que devient à ce moment-là la manière de dire, ben, c'est l'astral qui a manipulé les choses? Ben, c'est bon que l'ego le dise. Oui, mais l'ego... C'est bon que l'ego dise que c'est l'astral qui le manipule. Même si je dis régulièrement, mais c'est pas compris, que l'astral est manipulé par l'intelligence. Donc, finalement, c'est l'intelligence qui te manipule par le biais de l'astral. Donc, finalement, tu n'es pas manipulé. C'est brillant ce qui se passe. C'est évident. Mais lorsque je dis que c'est l'astral qui manipule l'homme, les forces mémorielles, tout ce phénomène mémoriel du ciel qui manipule l'humain, les dieux, les égrégores, les égrégores, c'est quoi? Ce sont des formes pensées. Donc, l'égrégore national, l'égrégore politique, l'égrégore familial, etc., etc., ça manipule l'humain. Mais je dis cela pour l'ego. Faut que l'ego arrive à dire que ce n'est pas à cette cochonnerie qu'il doit se brancher, qu'il doit cesser de le nourrir, de l'entretenir, de le remercier parce que l'autre lui donne moins de marve. L'ego, finalement, se branche sur quelqu'un qui le laisse se brancher. Ben, l'ego, il se branche sur ce qui est connu, sur ce qui le nourrit, sur ce qui est mémoriel. Si tu viens au monde haut comme cela, alors j'ai 9 mois comme tout bon enfant qui se respecte, et que je te donne un livre, on a 3 enfants qui viennent de naître, et puis il y en a un, il donne le Talmud, l'autre, il donne la Bhagavad Gita, et l'autre, il donne la Bible. Eh bien, ils vont vivre, ils vont pousser, ils vont grandir, ils sauront tous que Dieu les a créés à leur image. Puisque les autres dieux, c'est pas bon. Là, ils seront les trois. Et ils vont nourrir quel égrégore, ils vont nourrir quel dieu, celui qui sera sécure chez eux. Autrement dit, celui qui aura été inculqué dès leur jeune âge. La résistance est le principal problème. Comment peut-on expliquer qu'il y a une résistance? Ben, c'est pas la résistance le problème. Il n'y a pas de résistance, il n'y a rien pour résister. Ça va? Mais tout à l'heure... Le problème, c'est donc ce qui résiste, c'est la mémoire. C'est le passé. C'est la mort, le monde de la mort. C'est ça qui est le problème. La résistance, tu disais tout à l'heure que tous les gens émettaient de la résistance à vouloir connaître le monde nouveau du neuf. Oui, mais il ne la décide pas, la résistance. C'est une expression. Tu veux te séparer de ta femme. Et puis là, tu l'as, la grosse chicane, là, vous tirez vos dernières vaisselles par la tête. Et puis, c'est du Tefal, tu sais. Complètement. Et puis, à un moment donné, ben là, vous vous séparez chacun votre bord, vous commencez à faire vos bagages. Puis là, le monde de la mort arrive. Et puis là, tu deviens nostalgique. Tu te rappelles du bon temps. Quand tu te chicanes, tu te rappelles des mauvais moments, mais quand c'est le temps de briser cette forme, de couper, rien pas si pire que ça, rien pas si pire que ça, oui, mais il y a si bien. Ben là, ça vient. Le monde de la mort, il te vomit ça en face. Pour que tu ne puisses pas pénétrer dans un monde neuf, puis que tu restes bien assujetti à ta tradition familiale. Et puis, si ça fonctionne pas, c'est pas pareil, ben là, on va te dire, ouais, mais quand ton patron, là, qui fêtait justement l'anniversaire de ta femme dans une semaine, ça va dire quoi? Ah, ben ouais, si on te récupère pas par ça, on te récupère par d'autres choses, hein, on va en trouver. Ouais, mais ton chum, t'es ici, t'es ça, quand tu sors avec le, tu sais, le femme, ils sont bien amis de la tienne, là, pis tu sors avec eux autres, pis de femme, c'est bon. On va trouver d'autres choses. Si ça marche pas avec l'émotion, on te fait pogner par l'orgueil. Puis si finalement, tu décides de vivre le neuf quand même, puis que tu coupes, puis que tu coupes, puis que tu coupes, ben, tu vas finir par te libérer. T'auras souffert un bout de temps. Ça va, toi. Pour arracher une peau, ben, ça fait un peu mal. Mais ce qui va surgir après va pouvoir être bien faisant dans le neuf à l'exclusive condition que tu te laisses pas ramasser encore par la mort, par le vieux. Sinon, ben, tu vas revenir encore, puis on va encore essayer un autre shot. Hein? Et puis, pitou, pitou, pis ici par là. Et puis, demain matin, ça va encore peut-être recommencer. Pourquoi? Parce que l'humain n'arrive pas à comprendre l'intelligence de la transition. Premièrement, l'initiation par le couple, c'est essentiel. Celui qui trouve que son mari ou sa femme lui nuit, il doit savoir que si elle vit cette condition, c'est qu'il y a de l'intelligence là-dedans. Il y a énormément d'humains qui avanceraient tellement vite qu'ils capoteraient complètement. Et il y a énormément d'humains qui arriveraient à voir des choses et qui pourraient apprendre à se fermer juste avant de capoter. Mais ils auraient tellement d'orgueil qu'ils deviendraient démissionnés. Ils ont sauvé l'humanité. En plus, ce que Lucifer a voulu faire. Alors, tant qu'ils restent assujettis à une évolution par le couple, dans la majorité des cas, eh bien, ils sont poignés à pas trop avancer vite, mais ils découvrent l'humain, hein, parce que tu peux apprendre à te connaître en maudit et te regarder réagir par rapport à l'autre. Ouais, mais tabarouette, mais tout fait, j'ai pas décidé quelque chose, je me sens mal, il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. C'est ça, t'es pas ton seul maître. Oh non, je comprends donc, c'est l'autre, si l'autre serait pas là, tu serais pas plus ton seul maître, sauf que tu le serais pas. C'est tout. Tu sais, quand j'ai pas faim, ben, je peux te garantir sur le papier devant notaire que jeûner, c'est facile. Viens là, jeûner. Quand je vais avoir faim, on en reparlera. Alors, la personne qui est son seul maître, parce qu'elle est toute seule sur la planète, n'est pas son seul maître. Elle n'est pas dans des conditions pour se faire ramasser. Tu vis en couple, t'es dans la condition idéale pour apprendre à devenir ton seul maître. Pourquoi le qualifier d'idéal? Parce que c'est idéal, regarde-toi la face. Mais est-ce que ça sous-entend que de vivre seul, finalement, c'est... Ça brasse moins, ça... Non, celui qui est célibataire. Celui qui est célibataire. Lui, il n'a pas de problème. Et il n'a qu'à ne pas vouloir rechercher le couple. Ben à ce moment-là, mais celui qui est déjà en couple, il n'a pas de problème non plus. Il a eu un penchant pour l'autre et il a perdu l'équilibre. Mais ce n'est pas un gros problème. Maintenant qu'il est en couple, s'il est en couple aujourd'hui, c'est parce qu'il a des choses à apprendre par le couple. Il a trop d'ego, il a besoin d'apprendre à s'anégoïser, il a besoin d'apprendre aussi, il a besoin aussi d'un frein pour ne pas grimper trop vite. Et ça, l'humain ne veut pas l'accepter. L'humain est suffisamment orgueilleux pour pouvoir continuer à penser qu'il est prêt. Je suis prêt. Un coup pied au cul, puis t'es plus prêt. C'est simple. Ah, l'humain, il est prêt. C'est comme tous ceux qui n'ont pas faim. Ils sont prêts à jeûner. Quand la faim commence, je pensais pas que c'était comme ça, moi, là. Il doit utiliser des médicaments pour calmer. Je sais pas, on doit un jus ou deux. On doit un frigidaire caché dans la chambre, puis je paye. Ouais, puis quand la faim te ramasse convenablement, là, tu commences à maigrir. Ah ouais, mais tabarnouche, moi j'ai le ventre là, je vais perdre ça, puis j'en perds ici à la place. C'est pas ça qu'il faut faire, puis t'as l'air de 20 ans plus vieux. Tu trembles, tu chèques, tu te lèves plus. C'est ça le jeûne, mon ami. On te purifie. Ah ouais, oh non, je pète, ça pue comme ça n'a jamais pué, on dirait que je pourris par en dedans. C'est ça, le corps se purifie. J'arrive plus à penser, c'est ce que je te dis. Tu vas voir. 3 semaines encore, et puis, là, 3 semaines encore, là, tu vas être mort. Ça. Prenez n'importe qui veut suivre un régime, foutez-le dans une clinique de jeûne. Il va se sauver ou il va se suicider. La grande majorité ne pourront pas y rester. Ils ne sont pas prêts. Tu lis sur le jeûne, t'instruis ton égo, tu mets de la mémoire là-dedans pour qu'il y ait cesse de broyer pour refuser le neuf quand il va le vivre, le jeûne. Alors là, il lit ceci, il lit cela, il apprend des choses, renseigne un peu, il va visiter la clinique un petit peu, tu sais, comme l'enfant, il visite la salle d'opération avant de l'opérer. Là, il trouve ça cute, trouve ça correct, puis après ça, ben là, lentement, il s'en va faire un petit jeûne. Puis là, ça peut marcher, mais pas toujours. Faut que l'humain se prépare. Dans l'évolution, c'est le même phénomène, sauf que c'est mauditement plus pire. C'est-à-dire que si t'arrives quelque part où t'es pas prête, fait que tu vaux pas cher dans l'évolution de la galaxie en tant qu'ego corporifié. Alors, si t'es pas prête, on va simplement t'éliminer. Il y a ben des façons d'éliminer un individu. On parle du sida. Est-ce que le sida, réellement, c'était pour obliger les couples à ne plus avoir des relations avec tout le monde? La religion s'est emparée du phénomène sidatique, et effectivement, il se sert de cela pour dire que c'est la punition de Dieu. Ben oui, Dieu, il punit même les enfants qui naissent. Toi, t'es correct, t'es pur. Ta femme accouche avec un autre, t'as pas le sida. Toi, t'es toujours pur. Elle accouche avec toi, te donne le sida. T'es toujours pur, mais t'as mal à t'y pérer. Belle punition de Dieu. Mais il y a des raisons à l'apparition de ces maudites maladies. Lorsque l'être humain pense avoir réussi à se libérer du joug de l'évolution ou du joug de la mécanicité écologique dans laquelle il est placé, ben, il y a des choses qui vont apparaître. On va régler le sida d'ici peu. Mais il y aura une autre maladie. Parce qu'il y a une raison intelligente à l'apparition de cela. Ça pousse certains continents à travailler ensemble. Tchernobyl, c'était pas avec une farce. Bon, c'était l'explosion, quoi, d'une petite tête de lumière de sa planète. Mais c'était un phénomène relativement intéressant qui a obligé les Russes à accepter l'aide américaine pour aller faire des choses là. Il y a eu d'autres problématiques en URSS dernièrement et ça a pris 3 heures avant qu'ils avertissent les autres pays. Ça s'est jamais vu. Il faut les avertir que c'est passé quelque chose chez eux pour que 3 mois après, ils nous confirment que oui, mais 10 fois moins pire qu'on le dit. Bon, mais dernièrement, il est arrivé une autre chose. Une autre petite catastrophe. Et puis, on l'a su 3 heures après. Ah, c'est intéressant. Ça permet aux Russes de lentement pouvoir s'approcher de la table où ils pourront discuter la paix avec les États-Unis d'Amérique. Parce que prochainement, ils vont se réunir, les grandes puissances, et puis ils vont signer un accord de paix. Et pour ceux qui ont l'affinité vibratoire, bien, ils sauront qu'il leur reste maintenant 2 ou 3 ans pour s'organiser parce que la guerre est juste aux portes. L'être humain est pris dans un contexte où il ne voit que ce qu'il désire voir. Il est programmé mémoriellement, il est programmé de plusieurs façons et il est convaincu que sa programmation interne est la réalité. Se voyant suffisamment orgueilleux, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'il a les barbites qu'il n'a pas, enfin, il a très, très, très, très, très peu. Et l'être humain qui vit en couple et qui voit sa vie de couple problématisée est convaincu que ce n'était pas l'homme ou la femme qu'il aurait fallu. Marie-toi, twist, man, t'auras toujours le couple idéal. Y a pas de problème. Parce qu'ils se croisent et ils sont parfaits. Parfaits l'un pour l'autre. Et, mais s'ils veulent continuer leur cheminement, ils se déparfaissent. Alors, tu te remaries avec un autre en haut, puis un autre, puis un autre, ça va pas. C'est pourquoi ça me fera d'avoir des amis. Sauf que celui qui est en couple, c'est qu'il avait une raison intelligente, qu'il ne connaît pas, d'être en couple, d'être ce qu'il appelle pogné souvent. Il y en a qui évoluent avec leur femme et avec leur mari, ça va bien, c'est impeccable, c'est parfait. Mais à un moment donné, lorsque ce sera le temps, il y en a un des deux qui va commencer à décrocher par rapport à l'autre. Pour empêcher l'autre de voir trop vite les choses qu'il n'est pas prêt à voir. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'une personne peut faire pour adoucir sa transition lorsqu'elle est pognée, en guillemets, avec une personne en club? Divorcer. Ça temporise l'évolution. C'est-à-dire que si tu en as besoin, en divorçant, tu auras d'autres merdes. Bon. Il va venir un temps où il sera intelligent de se séparer, de divorcer. L'humain il saura suffisamment qu'il va le faire. Bon. Mais c'est qu'on intervient à ce moment-là dans le plan de vie, puis c'est... Tu n'arriveras pas à te séparer ou à divorcer si ce n'est pas le temps. Quand c'est pas la tête. L'autre, il voudra pas. Il va se passer 50 affaires. Ton avocat va se faire tuer. Il va être malade, il va attraper le sida. Et puis quand, il va se passer des choses. Mais ça fonctionnera pas. Quand c'est le temps, ça se fait comme ça. Donc, on ne peut rien changer. Non, mais on doit par contre accepter les changements. L'humain veut devancer les changements. Exactement comme si tu te dirais, je vais m'en aller à Tombouctou, et puis il y a un avion à la porte 10 de tel aérogare qui part pour Tombouctou, c'est au bout. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu pars en courant chez ton billet, t'abandes devant le billet. Et tu pars en courant à la porte 10, attends, il y a un vol tous les mois, puis le dernier est parti hier. Bon. Là, tu te dis, oui, mais le temps dans la tête, c'est pas le temps dans la matière. Lorsque l'humain a l'idée, il est convaincu que c'est d'être là tout de suite. Il faut que le temps, l'idée, elle arrive là, parce que le temps psychologique, comme le temps mental, puis encore plus le temps supramental, a un étirement, une élasticité qui n'est pas donnée au temps matériel, même si celui-ci en a un. Alors, lorsque tu perçois quelque chose, chronologiquement dans le temps matériel de notre planète, c'est en quelle année que ça doit arriver? Ça, l'humain ne sait pas, puis l'humain ne veut pas le savoir. L'année, l'humain l'appelle ça tout de suite. Je vais gagner à la loterie, je le sais. C'est au bout. T'achètes-tu des billets? Non. Ben, tu ne gagneras pas. Oui, oui. Quand on va l'acheter, il m'a gagné. Ben, je vais gagner. Tout le monde dirait ça. Ils ne le disent pas. Ça n'a rien de dire des choses idiotes. Ils ne le disent pas. Eux autres sont convaincus qu'ils vont gagner, ils vérifient pas si ça a de l'intelligence ou non, puis ils achètent des billets de 8 semaines pour espérer que. Celui qui a gagné, il va gagner. Quand ça va être le temps qu'il gagne. S'il a acheté 500 $ de billets avant, c'est du gaspillage, mais il n'aura pas gagné avant pareil. C'est pas la quantité de billets, il y en a qui n'achetaient qu'un une fois de temps en temps. On faisait tirer à un moment donné une fin de semaine en voilier. Dans des symposiums. Et puis, il y a une personne qui est rentrée, elle a acheté il y avait 4 conférenciers, il y avait moi en dernier. C'est une personne qui faisait le programme de contrôleur. On était venu que pour ma conférence, alors elle a payé que pour la dernière conférence. Elle est rentrée, elle s'est assise, il y a eu le tirage, elle a gagné, puis elle est partie. Hein? Il y en a qui ont assisté toute la journée, il y en a qui ont fait plusieurs symposiums, puis qui ont perdu. Lui, il est rentré, il me l'a cité une conférence, il est reparti, puis il a gagné. C'est un voyage pour deux. Bah, c'est ça. Là, quand il sort, il dit, ben oui, d'ailleurs, j'étais venu pour le tirage, tu sais. Ben oui. Quand c'est le temps, c'est le temps. Lorsque l'humain se sépare ou divorce, c'est parce que c'est le temps. Mais toutes les chicanes qu'il fait avant, c'est pour le préparer psychologiquement à accepter son divorce. Un humain qui est là et qui se dit, crime, elle m'a jamais donné de mots, elle m'a jamais engueulé. La femme qui dit, il m'a jamais rien fait non plus, puis on se sépare. C'est pas génial. Correct, on va s'organiser, vous allez vous entretuer pendant 2-3 ans, puis allez vous séparer, barrer. Il n'y a plus rien à faire ensemble. C'est qu'on a séparé. Mais l'humain peut pas comprendre ça. Alors l'humain, il va se chicaner, l'humain, il va se battre, l'humain va s'engueuler, il va s'autodétruire apparemment, pour arriver à créer une condition psychologique où il pourra accepter de lâcher l'autre. Sinon, il n'y a rien à faire. Ton enfant, il est parfait. Il est rendu à 12 ans. Il est parfait. Il est rendu à 18 ans. Il est parfait. Il est rendu à 25 ans. Il est parfait. Il veut s'en aller, tu ne voudras pas. Mais si tu deviens épingle qui se met des sauteuses dans la tête, qui collé de la colle, qui écloue ce que tu voudras, qui rentre chez toi à 3-4 heures du matin avec sa caisse de bière et sa caisse de chum, ben là, il y a des chances qu'à 25 ans, tu veux le bien qu'il parte. Alors, il va vivre une condition psychologique pour te préparer émotivement à le lâcher. Tu dis, oui, mais c'est stupide. Moi, j'ai rien que... Non, tu le lâcheras pas, s'il n'y a pas des raisons émotives de le lâcher. Les humains se séparent pas s'ils n'ont pas de raisons émotives de se séparer. Alors, on les prépare. L'évolution, c'est le même phénomène. Toi, tu manges la claque, tu manges pour arriver à comprendre la souffrance d'autrui. Parce que la souffrance d'autrui, tu ne dois pas l'annihiler comme cela. L'humain en a besoin, on l'a vu la semaine dernière. Alors, si tout va bien, tu ne souffres jamais, paf, tu vois, juste clair, mais pas encore assez, tu sais, il faut que tu te laisses le temps de monter. Mais quand tu vois la souffrance d'autrui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter, tu vas bloquer carrément ton évolution, puis tu vas dire, merde, il faut que j'aille les aider. Et voilà, on recommence le missionnariat. Là, tu vas descendre dans les foules, puis aller leur dire qu'ils devraient pas souffrir, puis tu vas essayer de les aider, ils à côté sur l'épaule, donner des petites béquilles. Ben ouais, puis pendant ce temps-là, ben l'humanité va tout s'écraser sur toi, puis elle évolue pas plus tôt non plus. C'est plaisant. Deviens grand maître, un grand con. Tu t'occupes les gens, puis les gens s'occupent de toi. La transition, c'est lorsque l'être humain passe de son vécu sécuritaire et quotidien vers quelque chose de neuf. Je parle de quelque chose de neuf, je parle de quelque chose de très neuf. Regardez depuis combien d'années l'intelligence manipule l'humain à instruire l'humain, l'homme, de probabilité de contact extraterrestre. Avec E.T., avec Starman, avec Enemy Mine, avec Maison, Bah, prénom de film, là. Plusieurs. La guerre des étoiles. Galactica, où on va se battre pour la Terre. Et pas quelque chose. Dune, et maison, et maison, et maison. Pourquoi? Ben, parce que maintenant, lorsque l'humain va voir un extraterrestre, ce sera plus comme à l'époque de Hitchcock, là. Tu sais, il n'y aura pas l'impression que les martiens vont venir désintégrer tout le monde, là. Avec E.T., tout le monde broye quand il meurt. Ennemi, mine, crime, il s'occupe de l'enfant, de l'autre, puis c'est génial. Juste préparer l'émotivement à l'humain. Cocoon, c'est le même phénomène. On parle de l'énergie vitale souvent ici. L'eau est un grand conducteur d'énergie vitale. Alors, dans le film Cocoon, la piscine d'eau, elle est magnétisée. Tu vois les bonhommes se promener là-dedans avec l'humain, puis ils magnétisent. Alors, lorsqu'on ramasse les cocons dans le fond de l'eau, qui sont des espèces de momies encore vivantes, des d'anciens extraterrestres, bon, on les fout dans la piscine. Là, ils se revitalisent. Là, il y a un petit vieux qui va nager là-dedans parce qu'il aime ça, disons, faire des petits détours aux règles légales, il nage en piscine. Et à un moment donné, ben, il commence à avoir des problèmes sexuels. Enfin, il retrouve sa santé. Et puis là, il s'en va en chantant, et puis il vient se baigner avec son chum, puis à un moment donné, il rajeunisse. Et ça, l'énergie vitale. Puis à la fin, ben, tout le petit clan de vieillards se garoche dans la piscine, puis là, il pue l'énergie vitale qui est là. Fait qu'il n'y en a pas un qui rajeunit, puis les cocons, il y en a qui meurent. Ah oui, parce que c'est ça que j'appelle le tétage d'énergie. Alors, il absorbe tout. C'est intéressant, mais ça marche plus. Puis là, ben là, à la fin du film, ben, ils remettent les cocons dans l'eau, parce que là, il faut qu'ils repartent. Pourquoi faut qu'ils repartent? Parce que j'ai déjà dit, l'extraterrestre peut pas rester sur la planète Terre longtemps parce qu'il devient crapaud. Fait que les autres, dans le film, ils restent déjà assez longtemps. Mais là, ils peuvent pas rester encore pour commencer, il faut qu'ils partent. Ben, ils partent. C'est un film! Mais lentement, on prépare émotivement l'humain à des choses. Hey, il faut préparer l'humain émotivement. À des réalités. À des réalités. Oh, c'est pas comme les films. Les films, évidemment, c'est la grosse coloration des choses. Mais l'ego doit s'instruire. Alors, dans la vie par le couple, c'est le même phénomène. L'humain qui avance vite au-delà de ce qu'il peut supporter est ralenti par un autre humain qui avance, lui aussi, les deux dans le couple évoluent. Sauf que par rapport à lui, l'autre sert de frein. Et par rapport à l'autre, le premier sert de frein. Mais lorsque y a une personne qui ne sert plus de frein, cette personne-là ne sert plus de frein à ce moment-là, la personne a fait son cheminement. Ouais, il y a un problème, c'est parce que tu n'avances pas assez vite pour que l'autre serve de frein. Et la raison pourquoi tu n'avances pas assez vite, c'est que ou tu es suffisamment humble pour attendre. Il vient une question dans la tête, et puis tu n'as pas la réponse, et puis tu te dis, bon, ben un jour je l'aurai. Parfait. Ta femme ou ton mari ne créera pas de problème. Mais si tu veux connaître la réponse, puis que tu n'es pas prête, tu vas n'acheter des livres, mon vieux. Tu vas aller en voir du monde, des conférences, puis des trucs. Et tu comprendras pas, si c'est pas le temps de comprendre. À un moment donné, il y a des gens qui nous disent que le PMC, c'est dispendieux. Et puis, on peut vérifier statistiquement que tous ceux qui n'avaient pas l'argent pour le faire ont toujours eu l'argent pour le faire, puis en plus, ils sont pas appauvris, puis il y en a même qui sont enrichis. C'est dispendieux, non? Sauf que c'est une barrière. Ça permet seulement à ceux qui ont à le faire de le faire. Puis ça empêche les autres de le faire. Ça oblige l'ego à réfléchir un petit peu avant. Alors, c'est pas le trip collectif. Il s'inscrira pas parce que tout le monde y va, pas au prix qui coûte. Donc, en partant, on élimine le collectivisme. À un moment donné, celui qui va le faire, ben, il a pensé avant. Il y en a qui pensent 3 ans. Et puis, il y en a qui pensent 5 minutes. Puis, à un moment donné, si tu viens porter l'acte, ben, au prix qui coûte. Il est pas cher, il est juste à la limite parfaite pour que tu saches un peu plus ce que tu fais. Ah, la personne pose le geste. Le couple, c'est le même phénomène. Si tu avances suffisamment égoïquement, nécessairement, tu libères l'autre de sa fonction de te servir dans le club. Pour l'homme comme pour la femme. Mais si, à un moment donné, tu veux trop vite flyer, ben nécessairement, l'autre te servira dans le club. Tu n'as pas le choix. Et si tu veux te séparer ou divorcer, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas, disons, la solution intelligente. Adoucir la transition. Donc, comprendre, premièrement, que il y a une utilité à la merde humaine. Il y a une utilité. Je ne dis pas que ça doit rester comme cela, ce n'est pas intelligent que ça marche comme ça, sauf que c'est intelligent dans le temps que l'être humain n'a pas l'intelligence pour comprendre l'absurdité de l'intelligence de ces choses. Je vais expliquer un peu mieux, là. C'est une situation qui existe, finalement, que parce qu'on est en transition. Parce que lorsqu'on ne sera plus en transition, ça va disparaître. Oui, mais le gros problème qu'il y a, c'est que l'être humain va être en transition dans le sens transitionnel tant qu'il aura de la mémoire à opposer au neuf à l'instantané. Lorsque l'être humain devient un homme nouveau, il n'a plus de mémoire. Il n'a plus besoin de mémoire. Il a un savoir instantané qui lui donne ce qui lui permet de savoir ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Donc, lorsque c'est le temps. Étant donné qu'il n'a plus de mémoire, il n'a plus rien à opposer à la mémoire, donc il n'est plus en transition jamais. Mais il continue son ascension. Il accumule de l'énergie, il accumule de l'énergie, il expand sa conscience et il finit par englober des choses. D'autres mondes parallèles et d'autres mondes parallèles et d'autres phénomènes. Sauf qu'il n'est plus en transition. Il est, dans un terme intéressant, accompli. Il est parfait. Il est parfait comme homme terrestre ou... Non, il est parfait. Parfait, simplement, il est parfait. Parce qu'il va se parfaire aussi pour arriver à... Non. Regarde bien ceci. Ce verre, est-ce qu'il est parfait en tant que verre? Est-ce que c'est un bon verre? Oh oui. Bon, parfait. Bon. Je mets de l'eau dedans. Est-ce qu'il est plus parfait qu'avant? Non. Bon. Je mets encore de l'eau. Est-ce plus parfait qu'avant? Non. Ben, l'homme, c'est pareil. Quand l'homme, c'est parfait, il n'a plus d'ego, il a un corps suffisamment solide, tout ce qui lui manque maintenant, c'est de mettre de l'énergie, mettre de l'énergie. Il continue à être ascendant en vibration, mais il est parfait, de toute façon. Il n'a pas besoin de plus de perfection que de perfection, il est parfait. Ton corps physique, il est parfait. Il permet la maladie, il permet le vieillissement, il permet les accidents, il permet la mortalité. Mais c'est génialement parfait, c'est un bon corps physique. Il accomplit ce pourquoi un corps physique a été fait. Lorsque ton corps physique ne sera plus malade, ne vieillira plus, ne mourra plus, ne souffrira plus de l'accident, tu n'auras plus de corps physique, tu seras un corps éthérique. Le corps éthérique, il sera parfait. Le corps éthérique, il est parfait tel qu'il est, mais il a d'autres fonctions. Ton corps vital, il est parfait. Ton corps astral, il est parfait. Il est là pour créer le monde de la mort, créer le ciel, connaître l'expérience planétaire, constituer un des événements qui vont nourrir encore ce phénomène céleste pour permettre à l'âme de pouvoir y loger pendant une période de transition du corps physique. Il permet en même temps de créer une brume, disons, planétaire qui permet à tous les mondes parallèles de ne pas savoir ce qui se passe sur notre planète, de ne voir que de la souffrance. Et c'est ton corps astral parfait. Ton corps mental, il est parfait, il logifère, il va intelligentiser sur les choses, il va être capable d'avoir un raisonnement conséquentiel, il sera capable de devenir prescient. Et lorsque tu auras un contact supramental, tu finiras par te fusionner avec ton esprit, l'ego va disparaître pour créer le double éthérique, et lentement, tu n'auras plus besoin de ce corps physique qui est parfait, mais qui fait chier l'ego pour la simple raison que l'ego a le concept de ce que devrait être un corps physique. Ce concept, il le prend où? C'est l'idée du double éthérique. Mais ce n'est pas un corps physique. Un corps éthérique. Et le corps éthérique apparaît lorsque l'ego disparaît. Ah, alors donc l'ego va toujours rester dans un corps physique. On fait une petite pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions? Vous les placez sur papier, des questions sur le sujet de ce soir, sur le couple, sur la transition, ou sur n'importe quoi d'autre. Petite pause. Merci, Daniel.